Je réfléchis à quelque chose. J'articule un assemblage de particules pour ne pas que le problème se pose. Le mal se diffuse, toi-même tu t'en rends compte, tu vois ce que ça insinue. Crois en toi même si ta femme simule, faire en soi ce que la loi stipule. J'habite en altitude, en réserve, par habitude je gravis l'abîme jusqu'à l'asile. M'actif une fois dans les airs, je me trompe, car franchement entre changement et chance, dans un sens le talent et l'attente des parents ne vont pas ensemble. Et pense à ce que le rap t'apporte, tout un tas de salopes. Chaque message est égal, gaffe aux écarts car le mal s'accroche. À force les événements passés s'entassent, t'encrasse. Quand la raison s'emporte, un bar en chasse sans trace, les prénoms s'envolent, les saisons trace, le temps passe, remplace et laisse ton fantôme en chial en face. Tu vois que tes parents avaient raison, laissons. J'essaye de faire que mon raisonnement s'estompe. Maintenant les dés sont jetés, la question c'est quand est-ce qu'on reprend les hostilités. Je crois que tu te poses la bonne question. Si t'as rien dans la dentition depuis le premier EP, on a pris la claque, t'as mis la main sur 5 mecs inquiets. Après 20 verges passées à conjuguer flemme et travail, il y a un terme à ça. Je peux pas me complaire, non sur le secondaire. Je me conserve en respirant l'air de ma terre natale. En clair, je pensais à faire mes bagages, vite avancer pour amorcer ma fuite avant qu'ils aient repéré ma cage. Quand est-ce qu'on part en vrille, on parle en prime et autres. C'est navrant, arrête de croire que le fait qu'on soit en vie c'est beau. Médite ces phrases dès maintenant, avant de te retrouver à court pour alimenter la blinde, avant de s'étouffer. Avant que le manque de flouze et distance et la fin, l'impression d'être en passe, de mettre en place des préceptes exaltants. Ma jeunesse, ne serait-ce qu'elle est, sans ses morts effets marquants. 21 ans, les plaies sont fraîches, nuisant sa présence quelconque. Maintenant les dés sont jetés, la question c'est quand est-ce qu'on arrête de se voiler la face, filer à l'anglaise. La vie je mérite et pas ça, ce qui m'éclate c'est plier le taf sans faire de vagues. Big et nasse en tête, je pars crier ma rengaine et je reste digne de mes influences. Quand le vice et l'argent mènent le bal, je rêve de plage d'eau bénite, embrasser le sable et glace passion. Poser le chill et sur un pédalo, médite et gros j'hésite entre un anard d'action. Un thriller bloqué, triste et l'ironie d'un suicide collectif dans un parc d'attractions. Quand est-ce qu'on passe la seconde pilote, un puissant falcon sillonne le beat en race mode, 6 tonnes de rimes dans chaque poche. Dire qu'on évolue sur le fil, planche à la fin de ce film. Pire qu'une révolue sur le Big Bang, n'a qu'à bien se tenir. Je voudrais faire taire les nuisances qui m'accapent. Je forcerai pas, je me relèverai que si j'en suis capable. Je pensais naïvement palper, à présent je sais qu'en fait non. Maintenant les dés sont jetés, la question c'est quand est-ce qu'on fait au neuro, nos tiens, nos rimes. Je veux pas ne parler que d'herbe et de hache dans mes textes, c'est pas tout ce que je valorise. Musicalement c'est le chaos que je vise. Je coupe court au débat, on goûte pas leur soupe, elle fait mal au bide. C'est pas pour que les allos kiffent qu'on écrit nos textes. On ressemble plus à des saloperies qu'à des prix Nobel. On pèse comme des sumo ou les filles obèses. Prends la mode de vie à base de freestyle, sirop de pêche, mino j'pète la prod. J'envoie les faux à la morgue, en fait j'me tape de la manière pourvu qu'elle soit forte et plutôt radicale. Tu crois révolutionner les bails mais cesse de jouer les grands, dis-moi qu'est-ce t'apporte. Le peur à trou de balle, c'est dur et c'est casse-tête. On fonce dans le game en traversant les murs à la Casper. Sors un petit peu la tête des nuages de queue, ce qu'on fasse. On m'attend, les dés sont jetés, la question c'est quand est-ce qu'on se tire. Quand est-ce qu'on pige que les états conspirent, dicté par des questions fines depuis l'époque des gains ton style. Avec mes potes on fait notre kiff, développe des flots hétéroclites. Le texte tue. Quand est-ce que tu vas adhérer au beat, hein? J'interroge ma feuille tel un sphinx moderne. Quand est-ce que t'as pécho de la beute et sec en fin de semaine? Viston, quand est-ce qu'on contestera toutes ces visions dantesques? Les séquestrations, les grossesses, le pire qu'une infection dentaire. Quand est-ce que tu rends fier tes parents puristes, on t'emmerde? Un frère de plus en orange, c'est le boulot d'un flic qu'on enterre. Donc quand est-ce qu'on arrête de me parler de ma tête? En mic, je suis le parrain de la gâchette, pareil qu'on m'appelle même Machette. Et quand est-ce qu'on va accepter le fait que le taf a été fait dur? On a choyé les tapes, on a broyé des fémurs. Faut qu'on occupe tes places, maintenant faut que tu t'efface. C'est dans la contre écrite que j'ai découvert la lutte des classes. Quand est-ce qu'on sort un projet exemplaire? On a le coffret, la combinaison, t'as compris qu'on veut protéger l'essentiel. Le temps est compté, mais aurez-vous le cran de répondre? Maintenant les dés sont jetés, la question c'est quand est-ce qu'on...